Oui. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonsoir. Chers amis, chers Congolais, nous revoici dans un rendez-vous habituel, même si ils allaient respecter bah, jour nous sauter, mais en tout cas. Si nous venons comme ça, c'est un rendez-vous autre que ce qui est pas là. Lélo, tout y est sous pour une fois de plus discuter pour Namakambo et qu'on s'est passé chez nous au pays. Merci Mingi na binonyoso bonanda. Merci Mingi, na binonyoso obozali kolite pour la vérité. Merci Mingi, na binonyoso obozali na vérité ya kobundela mboka. Merci na binonyoso obozali vous avez sacrifié vos vies, vous avez sacrifié vos temps, vous avez sacrifié vos emplois pour la cause de notre pays. Lelo toye les sous na mwa ba point et vous allez remarquer que ezali na ba point mususu to ko zongela pour na meilleure compréhension na bato oyo ba comprendre na kakate. Donc il faut to zonga toujours pour que ba comprendre. Alors lelo to kolobela na point liboso Oyo Italie élection. Et quand vous allez suivre jusqu'à la fin, vous comprendrez que Nyonso ça concerne les élections. Il y a 2023. Donc, na Katinango, on a sectionné, na, je dirais, deux parties. Alors, comme vous voyez bien que bandeko na biso ebele bazali na accès à l'information et même si bazali na accès à l'information bandeko na biso bazali mingi te o bazali na ba outil ya malam ya analyse ya information o ezali na porter na bango. C'est pour cela que nous venons toujours pour tomeka un peu ko expliquer d'une façon simple pour que bah au basali n'a moins bah difficulté de comprendre bah mais qu'à comprendre biso comme vous le savez tozali koya awa juste pour un intérêt général je le dis très bien intérêt général il y a peuple congolais il y a mboka na biso tozali koya awa te pour te flatter un politicien songolo, pour que ceux qui ont commis président, ceux qui ont commis ministre, ceux qui ont commis député, ceux qui ont commis PDG, appellent sa bise au poste. Non. Nzamba sungi biso, tozali na moi misala na biso ya pasi. En tout cas, ça nous suffit. Potolia lipa na tongo, na midi, na pokwa. Vraiment, ça nous suffit. Bamboko to vandi, ce que vous allez kosala moussala. Na tango bazo peso moi salaire na yo, moi ndambu bazo kata yo po ba bombe la yo po na pension na yo. Moi ndambu bazo kata yo po na sécurité na yo après kosilisa moussala. Mwandambu bazo kata yo pona assurance na yo soki obeli. Mwandambu bazo kata yo pona assurance ya vie na yo. Bon comprendre que na bisika to vandi to koki ko vanda ti na kokufa na koki ko vanda. Na kolala nzala te mes chers amis. Contrairement na bandeko mingi tozali komona qui se disent leaders qui ont raté ces jours na bango na ba pays d'accueil au bazali. Ils ont raté ces séjours. Ba profiter ko kende classe te. Ba profiter pour la future na bango te. Parce que les leçons qui ont tangi classe ezali moi sécurité moke na bamboka to vandi parce que okozwa emploi les lots soki ozuite lobby okozwa c'est pas comme chez nous au Congo otanga otanga te emploi ezo concerné makamba kotanga te excusez Félix atangi te ye wana président Kabila tanga te ye wana azala président Katumbi atanga te akoma gouverneur. Mais ba bisika to vandi soki otangi réellement. Ba emploi awa la plupart epesa makana ba test. Osali examen, osali interview, ba moni ke oui, ozali mutu o bazali koluka, bazui yo na musala. Soki omoni mutu avandi na diaspora, musale ezate. Soit il n'a pas profité pour attendre azo aluka musala. Soit atanga malamu te. Soit, azana problème ya papier. Atanga, papier zate, soit azoze la papier, po azwa musala. Mais yo lobby au vandi na France, yo lobby au vandi na Europe, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans, ozwa ka musala te, osala ka te, ndeko, soki ba mouni moutu ya ndengwana. Soit, goi goi, mutu na ye koka klase te. Soit atanga. Me atanga mala mute na mayuya. Ba test azwa kate. Ba interview azwa kate. Ba kosa binote. Bisika to vandi na bamboka libanda. Na poto. Bon. Ba pekisi biso tolo ba poto te. Ba lobi kore za poto te. Me poto se kwa? Etats-Unis eza poto te. Canada eza poto te. Australie eza poto te. Nouvelle-Zélande eza poto te. Japon est apototé, Corée est apototé, Singapour est apototé, Hong Kong est apototé. Poto c'est l'Europe. Bino ba tubo changer poto bo comme si que non poto est paradis non. Poto babande ko benga na kala. Soki mutu akeyi Europe babande ko loba akeyi poto Europe. Poto ça ne signifie pas bonheur. Bande koboli mbisangayi. Poto eza bonheur te. Les gens qui galèrent na poto bazali ebe. Bo kende kaka. Moi la zope sa exemple ebe. Te bo kende kaka na France, na Paris. Bo kende na bagarre wana. Soki garde midi, soki bagarre nini. Bo kende bo mona. Batu bavandi na malueka. Excusez moi bande ko malueka eza ko tchola bino te. Boza maramu, par rapport ya ba tu bele ba Congolais, bele ba vani na Paris. Influence. Ajoui téléphone a ki a telemi na voiture, moko ya cher, a telemi a kangi photo a tinde li bino. Ah, tala ndeko oyo na poto, tala lokuta voiture na yete. Et d'ailleurs, na poto voiture c'est quoi? Bisika to vandi voiture c'est quoi? C'est rien. Ba clochard baza e bele. Ah, yo zana poto, olingo komi sa kore poto, non. Na komi sa kore poto, kore zamboka nangate. Bien que nazo contribuye na ekonomi, nazo contribuye na développement a kore, me kore zamboka nangate, c'est pas mon pays. Yango tozo bunda po mboka na biso e bonga, e koma lokola ba kore. Moutu avandi na Japon, par exemple, qu'est-ce qu'il a envié na moutu avandi na Paris? Et belé parce que ba tamboula te, ba mona te, réalité ndenge ezali, ba mona te, voilà, poto, wazan la France, bozo lenga, bo lenga te, loko te. Y'a rien. Voilà, et ça si j'ai l'abissoté. Lelo, toye na makambo, toujours, au Italie, élection bande konangai. Mes chers amis congolais, nazali ko tuna question moko. Parce que ici, il y a deux tendances. Il y a résistance, na katia diaspora, il y a deux tendances maintenant, voire même trois tendances. Tendance, il y a Tshisekedi, ba to pouvoir, ba zo protéger pouvoir na bango. Tendance, il y a ba na ngambu yo opposition, il y a deux tendances. Tendance pro-élection, ba lingi kaka élection, élection kaka. Condition nyo so broye la biso, itali biso te, biso de élection kaka. Na tendance, oyo ba lobby, élection te. Biso te lingi élection te, mboka oyo ezan na ba condition a okende élection te. Yangwana yifu to yaka toujours to meka ko lendi sabino, parce que y a des gens qui déroutent bande kona biso. Écoutez-moi bien. Ba oyo bazali ko loba pro-élection, mikolo soyo boyoki bango. Ndenge na yebisa kabino ke opposition nga na mona kango te. Moutou nga na mona ka ki e sérieux, personne, individu, c'est Martin Fayulu. Na opposition nga. Parce que il n'a pas volé, a yibate, a zana makila na maboko te, voilà. Na loba kango toujours na ba vidéo na ngai. Mais hélas, ndenge na lobaka Martin Fayulu n'est pas un bon décideur. Nazali na ba doute lelo que Tshisekedi parte, Martin Fayulu a zo pouvoir. Mes chers amis, croyez-moi, toko vivre ba même problème lokola ya Félix en ce qui concerne les décisions. J'ai dit bien, en ce qui concerne les décisions. Martin Fayulu peut-être akokata moyibi, akokata tribalisme. Mais au Italie qui a zo ba décision qui engage notre pays, Martin Fayulu c'est pas un bon président. C'est un péré. Na yebite ba outi ya ba décision mutezo zangaye, ou bien il est entouré par des gens de mauvaise volonté au bazo pesa ye conseil à malamouté. Je dirais oui. Mikolo yo ba to Martin Fayulu union so bozo kabango. Oui, transition sans Félix Tshilombo. Bolandi ngai malamu. Transition sans Félix Tshilombo. Mes chers amis, boye bake na mboka na biso, il y a deux écoles. Il y a deux écoles na politique. Il y a l'école de Tshisekedi wa Mulumba. Na batu na yo na nyoso azala na bango. Il y a l'école lumumbiste. Je dirais même, il y a l'école kimbangiste. Je dis bien kimbangiste, il y a l'église kimbangiste été. Je dis bien kimbangiste. Na terme ya lutte ya mutu mwindu pona mabele na biso. Je fais allusion à Kimbangu. Ba l'église Kimbangu bo voir vilaté. Ah non, abwa ke biso li banga ya mamte binote. Je parle de Kimbangu. Oyo ngala ndimela ka Kimbangu. L'église Kimbangu c'était. Excusez-moi, désolé. Deux écoles wana. Nakolobela école ya liboso, école ya Tshisekedi wa Mulumba. Mes chers amis, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, bazali ba étudiant au babima na école politique Tshisekedi wa Mulumba. Je dis bien, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, bazali batuba bimi ba étudiant oyo bazali diplômé na école politique Tshisekedi wa Mulumba. Spécialité ya école wana Tshisekedi wa Mulumba ezali nini? Ba chobon, Webi batu ba beta bal na bomwana ba chobon moto a dribilaka mingi kokotsa batu ba bal na, na kati ya makolo. Ba chobon. Specialist na bango. Ba marche. Spécialiste école ya Tshisekedi wa Mulumba. Ba déclaration. Ezali spécialiste, bazali ba spécialiste ya école ya Tshisekedi wa Mulumba. Ba sorti na libanda ya mboka po aya kozonga ba yamba ye na full. Ezali ba point ya école Tshisekedi wa Mulumba. Ba meeting populaire ba to ba ya alobeli bango, Mobutu doit partir. Mobutu doit partir, Kabila doit partir, Tshisekedi doit partir. Ezali batu ya école ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ba trahison na cessé. Na moyi ba yebisi bino toza na communication moko te na pouvoir. Na butu bazali na pouvoir. Na moyi ba yebisi bino tozo négocier te. Na butu bazo négocier. Na moyi ba yebisi bino toza na ba dialogue te. Na butu bazo dialoguer. Na moyi bazo sala semblant lokola ba bakutana ba na bato na te ba sola kate ba lia kate ensemble na butu bazo li ensemble. Voilà. Spécialité ya ba politicien o ba uta na institut Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Maintenant na kati ya institut wana nous avons maintenant deux politiciens. Félix Tshisekedi, entre guillemets, au bengaye politicien, et Martin Fayulu. Ngam na lobi yango te bandeko. Bo finga nga te tata na souki a pembe te. C'est vrai, Martin Fayulu lui-même l'a dit. Azali mwana wuti na politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tout ce que Martin Fayulu fait, banda ba wuta Genève, ti lelo, mes chers amis, ezali copie conforme ya makambo nyonso o Etienne Tshisekedi wa Mulumba sala. Nani atombola musapa yebisanga difference ezali na point boy, point boy, point boy. Atombola musapa yebisanga. Martin Fayulu suit la politique ya professeur na ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mikolo yo, mes chers amis, bozo kabango, toye koloba, bazali na kosolola na kintuwe kinankuku bazo solola. Balobi tozo solola te. Tato ya suki ya pembe ya zoba zoba azali kokosa. Bazo solola te, mes chers amis. Bozo kabango mikolo yo, bazo loba, oui, transition sans Félix Tshilombo. Bino batu vandi mingi mingi na ba pays francophone. Corrigez-moi, c'est français. Phrase bandi oui, virgule. Transition sans Félix Tshisekedi Tshilombo. Point. Ça veut dire quoi? Oui wana e outi na question. Ngai nazo supposé oui wana e outi na question. Boko kende na transition ou bien boko kende te. Voilà, batu ya Fayulu répondre oui na transition mais sans Félix Tshilombo. Alors, réponse wana bozo pesa oui tondimi transition. Mais sans Félix Tshilombo. Ezali réponse na question ya dialogue te, na question ya transition te o nga na lobaki. Nga na lobi bazo solo la po na transition ya 2 ans. Batwa Fayulu bazali. Babimi balobi ono tozali te tato ya souki a pembe a kosi. Aza zoba zoba kosi. Mais la réponse que vous avez donné, que vous donnez, oui, nous voulons la transition mais sans Félix Tshisekedi, ça vient d'où? Ça ne vient pas de la question, voulez-vous une transition ou pas? Bon, dimi transition, mais bon, petite condition sans Tshisekedi wa Mulumba. Mais, Congolais mémoire, mémoire, mémoire, mémoire na yebite. Na yebite, nini to liaka, ba mémoire na biso mikuse. Mes chers amis, phrase wana ya transition sans. Bino bo yoka angon dante. Tshisekedi de wamu lumba a bebi subiso matoyi, boutou moyi. Oui à la transition sans Mobutu. Congolais, oyoka phrase wana te. Oui à la transition sans Mobutu. Oyoka te. Batu ya opposition oye, na Tshisekedi de Mulumba. Oui à la transition sans Kabila. Boyoka te. Oui à la transition sans Mobutu. Est-ce que basala transition Mobutu azate? Basala yango. Ils ont abouti à quoi? Oui à la transition sans Mobutu. Bakeyi na négociation, na transition yango sans Mobutu. Mobutu reste au pouvoir. Mobutu a bandi ko changer ba gouvernement d'union nationale. Gouvernement ya Makofi ya ba Mongolo Diaka. Ba gouvernement ya ba Mulumba Lukozi. Ba changer ba gouvernement. Mobutu reste toujours à la commande. Nani a yeli biso biloko yo banda Mobutu moyi Tshisekedi wa Mulumba. Oui à la transition sans Mobutu. Mobutu est parti. Laura Désiré Kabila Mouta Bengalié. Laurent Désiré Kabila, c'est un Lumumbiste, l'école de Lumumbiste. Bien que aye ko bebi sa, aye na groupe na ye a Barwande. Cher Congolais, Mobutu akei, ba Lumumbiste ba bengani Mobutu. Parce que ba Lumumbiste, pas question de transition, pas question de oui à la transition. Plan B ezati. Plan A ezate. Kaka plan ezali. Parte. Bozo mon la confrontation à Bekon. Mobutu est parti. Kabila ye. Nga na zo sang sa Laura Désiré Kabila na Joseph Kabila. Na zo sang sa bango. Le même étudiant Tshisekedi wa Mulumba. Na ba soi disant politicien. Oui à la transition sans Joseph Kabila. Binyon soubo bandiko voa vila, oui à la transition, sans Joseph Kabila, oui à la transition, sans Joseph Kabila, oui à la transition, ça, ba perroke ba mouton. Joseph Kabila keyi na 2016, transition sans Joseph Kabila, ba tika lo sa langoti. Félix Ayé. Voilà aujourd'hui, on voit Martin Fayoulou, qui vous dit oui à la transition, sans Félix Tshisekedi. Mes chers amis, poche ya zoba ba tchakango li boko mbalami balete. Poche ya zoba ba tchakango li boko mbalami balete. Bozo yoka bata Martin Fayoulou partout, Kinshasa, na diaspora, partout, oui à la transition, sans Félix. Mes chers amis, bazali ko négocier. Bazali ko négocier. Batu ye kol ye tchen Tshisekedi wa Mulumba, soki bo yoki bango, oui à la transition sans, c'est que babandi négociation. Négociation a ko aboutir na dialogue. Dialogue a ko aboutir na gouvernement d'union nationale. Ba kaboli ba poste, Congolais otikali kaka ndenge ozali. Ozala zoba te, mes chers amis. Libérez-vous, na Joseph Sabino, libérez-vous. Ce n'est pas des petits badauds qui vendent à Paris. Oyo bazali information ba yako conscientiser bien non bazali ba flatter. Bango pe balingi ba tester ba tenter chance et loko pamba na bango. Balingi ba tester chance et loko pamba na bango. Personne je vous dis. Babandi koyebi Sabino, oui, transition sans Félix. Vous allez voir, bok, nani wana, transition ango bakene sans Félix, bakene dialogue. Dialogue ango bato Félix, bako zalate. Boko tia Félix wapi. Boko tia Félix wapi. Bokene dialogue na ye. Dialogue ako aboutir na gouvernement d'union nationale. Bokaboli ba poste. Mes chers amis congolais, Bolimbi Sanga, je le répète, Fayoulou négocie. Fayoulou, en personne physique, Yemoko individu, c'est une bonne personne. Mais Fayoulou a zali lié. Naba vautour autour naïe. Azali lié naba vautour. Azali lié naba vautour, ba flatter, ba jaloliste, ba mon pape. Personne n'a compris ça et compte conseil contraire. Et ça m'a l'air ou l'élo, Fayoulou a vendu au émissier, mon président, nous allons nous au kende yamote. Ce qu'on continue, nous allons au kende na yote. Non, ba flatter y'a Europe, pour n'a bango, ce qui va dire Fayoulou a zoé y'a Europe. Ba keko défa, défa, ba koko cotisé, ba 50 euros, ba 10 euros, ba 100 euros, ba kodze, ba y'a président, tara soutien na biso yangoyo. Allez, ba komi na monopole. Fayoulou nous appartient. Fayoulou a zo appartenir na binoté. Fayoulou a zo appartenir na binoté. Pour na lobakango, la popularité de Fayoulou, ezali Fayoulou yé mon côté biso nyoso, on a contribué. Fayoulou a zala ki un rien na kata désert. Biso nyoso to tombolié. Alors, il y a un groupe de gens de Bado. Ba komisye loko la, donc, produit na bango, biso ba toto sali yo, kaka biso, moto moso sote bo kana monoko, Fayoulou ou jamais, ba malade. Et vous allez voir comment il va échouer lamentablement pour na bozo ba oibino bozo mema. Il va échouer lamentablement. Mes chers amis, Naïb Sakabino, ce qui est bon, qui m'a dit, Bima na école et tiens, c'est ce que je veux dire. Zéro, quatre. Kocha espoir, t'es. Kocha espoir, t'es. Kocha espoir, t'es. Parce que ce sont des gens qui ont été formés dans la trahison. Na CC Bazolia, na Moi Bazoko Sabino. Na CC Bazolia, na Moi Bazoko Sabino. Je répète la question. Nanya Yebi Sangai. Que Fayoulou ou Azo Sala, c'est pas ce que Etienne Tshisekedi Mulumba Sala. Bon, yoga Etienne Tshisekedi Mulumba, t'es transition sans Mobutu. Transition sans Kabila. Fayoulou Pena Batunaye Babandi, transition sans Félix. Transition en Goboke, nanan. Bon, ça, négociation nanan. Wana Zalaki, premier point d'abisso. Deuxième point, ndenge na lobaki yango na ebandeli. Deuxième point ezali rappel et loko na loba déjà. Juste dans cette même lancée na makambo ta libre élection. Na ba pro élection. Mes chers amis. Élection et ça l'a organisé na parité, na diaspora te, na mutualité ya musiquité. Élection et ça l'a organisé par le pays, par le gouvernement. Dengue na lobaki na vidéo o eleki. O na zo loba siko na si na loba, mais je le répète. Mes chers amis, bo zwa déjà résultat escompté na oyo nazali koloba. Président, parce que les élections en Afrique, j'ai dit ça na vidéo passée. Les élections en Afrique, particulièrement au Congo, ne les comparez pas aux élections en France, aux élections au Canada, aux élections aux États-Unis, aux élections na bamboka, ba Corée, ba Japon, bo comparer à moté. Il faut pas comparer ces élections. Nous avons des cultures différentes de la politique. Considérez ces élections congolaises. Au Congo, nous savons Tozali na batu na biso na Congo to yebani. Nous sommes congolais. On connaît notre société. Toyebi ki au Congo, quand vous placez par exemple na poste moko de commande un frère ou sœur Luba, toute sa suite sera de Luba. Au Congo, on connaît que il faut pas placer un Mungala à la caisse. Tout Congolais ba yebi. Na Congo, tout le monde connaît que si vous voulez un bon trésorier, cherchez quelqu'un du bas Congo. Au Congo, on connaît que si vous voulez négocier avec le pays de l'Est par rapport à notre pays, n'envoyez pas quelqu'un du Kivu. On connaît. On connaît si tu veux une propagande de flatter. Cherchez quelqu'un de Bandundu. Luka Mouta Bandundu, so lingi ba flatter, ba tu ba bina kapona ba politicien, pona ba pasteur, so lingi propagande kende malamu, yo politicien, engagez quelqu'un de Bandundu. Si vous voulez quelqu'un qui peut vous garder la caisse, cherchez quelqu'un né Congo. Si vous voulez engager un sorcier, vous êtes attaqué par des esprits, vous voulez chercher un sorcier, engagez un Kasaïen Luba. Ce que vous avez caisse na yo ezala, ou bien moto aye bisaka yo makambo pwelele abombe la rayote, engagez un Mongala. On se connaît, c'est notre société. On se connaît. Et c'est ça la réalité. Dire ça, c'est pas être tribaliste, c'est ça la réalité. Les gens de Bandundu sont des flatteurs, des propagandistes. Les gens du Bas-Congo sont des bons caissiers, avec sincérité. Les gens du Kasaï sont des sorciers, même si je m'étonne. Comment est-ce que les Blancs nous ont colonisés, les Belges nous ont colonisés, avec tous ces sorciers que nous avons au Kasaï. Avec tous ces sorciers Luba au Congo, comment est-ce que le Belge a réussi à nous coloniser? Ah oui. Vraiment, je me pose cette question. Parce qu'on a des experts sorciers au Kasaï. Et je m'imagine, est-ce que Bazalaki n'a pongi herbe belge ou banane colonisé bisou? Ou bien nos frères et sœurs Luba étaient dans un autre pays, Léopold est venu nous coloniser et ils sont venus après comme des Rwandais. Mais non, les Kasaïens sont des Congolais, c'est leur pays, 100% des pères et des mères. Alors, dites-moi, mes chers amis, beaux-frères, Kasaïen Luba, vous étiez où avec votre spécialité de cette sorcellerie? Vous étiez où quand les Belges nous colonisaient? Pourquoi vous n'avez pas défendu ce pays comme vous défendez le régime de Félix de Tshisekedi aujourd'hui avec votre sorcellerie? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ou bien qu'il n'y a pas besoin de vous simba ou bien d'engéni. Mes chers amis, on parle des élections. Oui, vous voulez aller aux élections, M. Fayulu. Écoutez-moi bien. Avec la culture africaine, la politique africaine, avec des compromis à l'africaine, dans un pays comme le Congo, le président de la République, le chef suprême de toutes les institutions, Luba, Kasaï. Vous allez voir qu'il y a une élection, hein? Boyoka, résultat élection à mois de janvier 2024. Le président de la République qui organise ces élections, Luba Kasaï, Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Luba Kasai, qui n'a pas l'intention que leur frère président quitte le pouvoir. Le gouverneur de la banque qui décaisse l'argent pour les élections, Luba Kasai, elle n'a pas l'intention que son frère quitte le pouvoir. Le chef d'état-major pour la sécurité de ce pays, Luba Kasai, il n'a pas l'intention que son frère président quitte le pouvoir. Le général, chef de la police nationale, Luba Kasai, il n'a pas l'intention que son frère Luba quitte le pouvoir. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui va donner les derniers mots de résultat des élections, Luba Kasai. Il n'a pas l'intention que son frère Luba quitte le pouvoir. Le président de la commission électorale, qui va donner les résultats provisoires, Luba Kasai. Il n'a pas l'intention que son frère président quitte le pouvoir. La ville de Kinshasa province, le vice-président de la ville, Luba Kasai, qui n'a pas l'intention que son frère président quitte le pouvoir. Le 24 commune de la ville capitale Kinshasa, 19 bourgmestre Luba Kasai. Ils n'ont pas l'intention que leur frère président de la République quitte le pouvoir. Et la liste est longue. Mes chers amis fayoulistes pro-élection, voyez-vous ceux qui vont prendre la décision de résultat des élections, qui sera président? Tous sont Luba de Kasai, frères, cousins, parenté, même village que le président de la République qui est aussi Luba. Fayulu, est-ce que Ozali Komona, mimema yo moko na bo moto na yo, mimema na mois de janvier 2024, na jour ya proclamation ya élection, même si on t'a voté à 99.99%. Fayulu. Vous ne participez pas aux élections de la France, aux élections du Canada, aux élections des États-Unis. Ce sont des élections au Congo. Des élections au Congo. Monsieur Fayulu, je vous aime. Tous ces flatteurs, balingi yote. Monsieur Fayulu, je vous aime. Batuo balingi yote. Ce sont des gens-là que tu autorises de parler à ton nom. Bangonde balingi yote. Au lieu de concilier des positions, batuba voté yo. S'il y avait élection crédible, batuba voté yo. Bango bazoya ko finga des gens qui peuvent t'aider pour que ba vote yo bazoya ko finga bango. Est-ce que nga mutu nazoya bisa yo vérité mutu alingi yo ou bien bango bato balingi yo kanisa soko zali na bongo? Mais c'est Fayulu, raisonner. Na loba ki na vidéo passé na kebisa ki opo na mozito na kebisa ki opo téléphone na kebisa ki. Je vous avais dit, Mouzito va vous trahir. Mouzito, ce n'est pas un opposant. Mouzito, c'est un monsieur au service de Kabila. Il n'est pas opposant. On dit, mais là, qui m'a été? Lelo Mouzito est où? Qu'est-ce que Mouzito fait pour toi? Il travaille contre toi. So yoke la kangai. Mojito ne pouvait pas avoir cette audace, ya ko maîtriser yo. Mes chers Fayoulou, biso batozo biso vérité batolingi yo. Ces bado là aux hommes on a parlé wapi balingi yo te. Moto soko lingi moto moni moto sali mabe lobela ye. Olobele nan koukou, na kintuwe ki entre vous. Olobele lelo, olobele lobi, ayokite, yaka na mona public. Lelo, vous voyez? Vous voyez? Où est Mouzito? Moutoumou kwa ye lingayi, avec des logiques qui ne tiennent pas debout, avec badage qui ne tiennent pas debout. Ndeko moko ya lobi ono prof pourquoi ozolo baboye oyebi ke soki ozoke na chasse ba chaka makele l'été. Je ne sais pas ba classe to kendaka. Soki to bwa kaka makambo to yekola na classe beto to esali sakabiso po na vie na biso. Moto akendaka chasse a chaka makele l'été. Je lui ai répondu clairement, mon cher ami, la politique, parmi les éléments où il y a des politiciens, où il y a des analyses, il y a des malades, où il y a des décisions, il y a des cultures, il y a des cartes. Yo lobi moutoua kendaka bo kila, a tchaka makele l'été, pour bani amabako kima. Ada jouan ozo pesa. Parce que la personne qui m'a appelé est de l'Équateur. Na ebisi adage wana zopesa, il faut que yeba ke Congo eza na culture moko te. Bato bakenda na bokila na Congo bakenda na environnement moko te. Na Équateur, soko zokende bokila, ozokende chasse. Bachaka makele ete na zamba kimia. Boyoka mouvement banyama soki bazali koya, bo chasser bango bobo mabango. En Équateur, où Ezali, province, na kati ya forêt équatoriale. Wana culture ya bandeko na biso ya Équateur. Mais moi, je suis moutoua savane. Fayoulou aza moutoua savane. Batoua katanga baza na savane. Batoua kasai baza na savane. Batoua bakongo baza na savane. Biso ba toa savane, soki tozali ko kende bokila, bambwa balati saka bango ba biloko moko ba bulu moko, balati saka bango na luketu. Na kati ya ba bulu wana ezala tu ba bulu mike mike, mbwa soka zo tambula, ba bulu wana ezole na mbwa zo kende, bazo luka. Nyama isika azali, soki ayoki, makelele wana ya bambwa, ya ba singa o, ba tche bango na luketu. Nyama kotele mabandiko kima ba landiye bakangiye. Ne venez pas avec des adages qui ne reflètent pas la réalité nationale. Ce qui est Bokila Bachaka Makele est en Équateur, Nabandou Bokila Bachaka Makele. Dans le terme, il y a politique. Il faut tout ça. Parce que ma politique, ce sont des audaciers, des orgueillés. Basa Bourgueillé, ma politicien, ma pasteur. Basa Bourgueillé. Ça la ba comédien borgayé ce qu'a yebani na comédie alors ça la comédie a comme orgayé. J'ai dit ça, mon grand frère m'a appelé Soukane Elombe bino ba to benga ngai na saka koko ya soki ya 90 ans 80 ou bien combien Elombe na sina yebisa bino Elombe oboyoka Elombe ya théâtre Elombe c'est mon grand frère. Grand frère Tokutani Nanzela Boyete, grand frère du village, c'est mon grand frère. Elombe er tozo tanga. Ba Elombe ora batu bazo batela nga po nazalaki mobulu. Nazalaki mobulu, nazalaki ba professeur okusaka nangati. Ah, okusaka nangati. Ngana bandai ko bunda na bana mindele bazo uta. Mario, na yebisa kabino Mario. Ba oba yebi fami Mario na kikwit. Portugais, ba banova na kikwit ba commerçant. Riche. Leur fils Mario, to bandai ko tanga na ye. Ngana bandai ko bundisa Mario banda tongo ti butu. Pona mbongo o azana ngo, ba parana ye bazo na ba jeep, ba camion. Mario alingi batu nyoso baza la ba subalterne na ye. Ba kene ko toke la ga ye mai. Ba suru la ga ye bilamba. Suka nga melama ya vandi na mbetu na ye na na dortoir, azo benga batu kende ko toke la nga mai. Soki ya Mario atindi mutu na lendi mutu ana beti ye na zuikopo na bwaki. Mario, si le vivant, bo luka ye. Bana ki kwiti oba ye bi ba fami Mario. Bazalaki ba portugais, mundele penza ba portugais. Mario, si le vivant, awoye bi sabino. Babane ko benga le petit, tona le petit, parce que mon grand frère est né, Kombonesa ki tona ngape to bisote za batona alors mukolo ye bazo benge tona le grand ngaba zo benga tona le petit bano benga le petit elombe tozo lala na bango esika moko tozo lia esika moko wa uti na ndako ya papa na mama na bango wa uti elombe papa na ye na mama na ye batindi bango na baya kotanga na mission elombe leki ya na ye to bando benga le grand Bango mi bale, nga ipe na yaya nanga to uti nanda kona biso, yaya nanga Rigobert, tona, kiela. Soki to ye to kutani, to bane ko tcha biloko na biso bilamba, blyo ako liena ba malet. To poni, ba malet misa tu yako tcha bilamba, malet moko yako tcha biloko ako lia. Na refektoire, soki toko lia biloko, bane ko lambe la biso basango, to bano sepe la nangoti. Omona toko sala tuto bimi na kentweki, tozui biloko na biso tupane ikolia, toke tovandi tole. Elombe wana bo kendebo tuna ye. C'est mon grand frère. Alors, soki ngana zana 90, 80, 70 ans. Donc, elombe fwa zana na 100 ans. Elombe fwa zana na 100 ans. Azali bo tuna ye. Je lui ai dit, mon frère, il m'a appelé avant-hier. Na yisye mon frère, Yebisa bana na yo a théâtre, oh ça la théâtre. Pourquoi baza ba arrogant? Ndenge moko ba théâtre ba arrogant. Ba pasteur ba arrogant. Ba politicien ba arrogant. Congolais soit vu moi succès mouke arrogant. Donc je vous disais que Fayulu est devenu arrogant. Koye bisanga teo baloba bakena bokira makete luka okuta na Fayulu ndenge nini parce que Fayulu je vous dis la vérité bandana a reprocha ye makamba muzito Fayulu akanga kanda lelo je pense a kozongela nga parce que amoni o na yebisa ki concernant muzito ba politisye congolais so yebisa vérité asiliki Ba fan na bango même toza bien toza ba camarade. Soki o contredire président na bango, o contredire pasteur na bango. Akangeli ennemi o komi ennemi. Mais c'est pas comme ça. Tokoki kozala na ba opinion différente. Mais restons amis. Restons amis. Alors. Je disais, na makambo be élection oyo, mes chers amis, président de la République Luba Kasai, dans un pays oyo tozayi na plus de 400 ethnies. Plus de 400 ethnies, ce pays-là. Président de la République Luba, vice-président de l'Assemblée nationale Luba, chef d'état-major Luba, général chargé de la police Luba, ba gouverneur Luba pro Luba. Ba bourgmestre de la ville capitale Kinshasa, majorité Luba. Gouverneur de la banque Luba. Ministre des finances Luba. Président de la commission électorale Luba. Mes chers amis, qui est tribaliste? Nous qui dénonçons le tribalisme ou ceux qui font, qui pratiquent ce tribalisme? Inversion des valeurs. Alors, question nazo tuna yango to kenegosi li sanango. Que M. Fayulu nous dise miracle nini miracle nini en connaissant que ndenge na uti koloba bande kona biso luba ce sont des tribalistes ndenge ko sala te tout le monde a yebi ango na mboka na biso tout le monde a yebi tout le monde connaît que nos frères luba sont des tribalistes c'est connu de tout le monde mais bozo bomba na bavete pourquoi to lobela ango discutons pourquoi nos frères vous êtes tribalistes expliquez-nous. Et dans cet environnement, dans ces conditions tribalistes des élections, Monsieur Fayulu, dites-moi, au mois de janvier, Robenga Batouté baya kotelema pour ba yibio sous élection. Tala, na makamba et pas na biso makambo etali biloko wana de la présidence, ça ne vient que qu'une fois. Ça ne vient qu'une fois. Fayulu a raté, c'est tout. Mes chers amis, nous avons noté, vous regardez la vidéo, Fayulu a déjà raté une opportunité. La démarche qu'il a suivie après les élections de 2018, ce n'est pas cette démarche-là qu'il devrait suivre. Il a été menti par Bamuzito. Et c'est tout. On est 100 millions d'habitants. Donnons la chance à une autre personne. Nous, au pouvoir, on a instauré le système des Coréens. Mandat une fois. 4 ans, c'est tout. Au sali mandat, au commis président, mandat n'a eu 4 ans pour qu'on revienne sous tes tirs au Koufa. Ah oui, donnons la chance. On est 100 millions d'habitants. Yombi a encore un président de colonie. Non, tour de rôle. Oleki, oleki. Libela. Mandat moko. Ok. Ceux qui partent, n'ayons pas voté, pas de problème. Mais yo individu, pas de mandat. Mandat moko. Ok. Fayulu a raté une opportunité. Pas sa nord. A raté un mot. Alors, topé sa chance na Moutoumoussousou. S'il y aura élection crédible, n'allons pas qu'il y en a bien. Pour les Congolais, ils ont déformé à propos de Yabatou. J'ai parlé du docteur Mukwege. Je ne suis pas le porte-parole du docteur Mukwege. Je connais le docteur Mukwege. Je suis parmi des rares Congolais. Le docteur Mukwege a donné une opportunité. Bissomi balé, porte fermée. Bon, qu'il y a une page dans la Facebook, vous allez voir. Bissomi Balé. Tous deux, on a demandé, ma secrétaire n'a pas zalaté. Ngape assistant n'a pas zalaté. Bissomi Balé, dans une salle, tokangi porte na kati, 30 minutes. Ma image est zali. Il est là, botounaye. Botouna va conseiller naye. Il y a son secrétaire particulier, l'allemand. Awoye Bisabino. Je connais la position de Mukwege. Je connais les soucis de Mukwege pour notre pays. Alors, nous allons, si, parce que, Sorina Ebisa Kibino, que d'ici mois de juin, le docteur Mukwege va se prononcer. Si, j'avais dit, s'il n'y a pas contre-temps, contre-temps, on est l'Inko Lubani. Le docteur Mukwege pose des conditions pour participer aux élections, parce que tout le monde va se engager au niveau national, au niveau international. Au niveau international, va tout sauter. Mais au niveau international, ce qui lui demande de prendre la commande de ces pays, au niveau national, le docteur Mukwege pose des conditions. A l'ingi koya na élection ya ba aventure te. Oyo président ya Seni, Mouluba. Chef d'état-major, Mouluba. Commandant de la police, Mouluba. Gouverneur de la banque, Mouluba. Ministre de la finance, Mouluba. Vice-président de l'Assemblée nationale, Mouluba. Mukwege, ce qui a eu sa candidature et sa aventure. A cause discrédité Mbalamoko. C'est pour cela. Nous appuyons les conditions du docteur Mukwege. 1. L'indépendance, il y a CENI. Le président est Luba. On ne veut pas voir un Luba à la tête de la CENI. Le chef d'état-major est Luba. Le président de la République est Luba. Il faut changer tout le monde, même dans mon équateur, mon Kivu, mon Bandundu, mon Bakongo, mon Katanga, mon province orientale. Mais pas Kassaye comme le président de la République. On peut laisser peut-être la police à un Luba. Gouverneur de la banque, pas Luba. Ministre de la Finance, pas Luba. Président de la Cour constitutionnelle, pas Luba. Et transparence dans la commission électorale. Et on propose d'ailleurs, ça c'est moi qui ai proposé ça quelque part. Nous proposons que la commission nationale électorale Tonuka Dalai Lama, lui-même est devenu vieux, Tonuka ba bouddhiste, qui n'ont pas l'influence occidentale, qui n'ont rien à voir en Afrique. Dalai Lama va nous aider de nous proposer Batonaye Bayako Salisa Biso na commission électorale. Parce que ce qui te tient bande qu'on a biso moko, c'est biaisé. C'est biaisé. Ce qui Mukwege gagné, ah, ce qui batcha qui mutoa qui vous, oh non, parce que Azam mutoa qui vous, y a moins la faveur. Non, Toluka, ba bouddhiste Dalai Lama. On peut même inviter lui-même Dalai Lama, et qui vient au Congo. Avant d'aller te retirer na moi, te retourner là hier moi, et si qu'on aille à Kenyovanda. Juste pour 6 mois, aidez-nous pour ces élections. Ah oui. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, Bokomo na candidature ya docteur Mukwege. Voilà déjà na sina ibi sibino. Ce qui ba condition ezali réunité. Si le docteur Mukwege s'est présenté, na kozala parmi bato ba kosepela na ngoti. Parce que na ba condition oyo. Voyez-vous vraiment, vous pouvez vous imaginer un jour un frère qui s'appelle Kadima, son nom c'est Kadima, venir à la télé, proclamer les résultats des élections, a été élu président de la République, M. Martin Madidi. Ah. Bande Wonanga. Comment vous avez Kadima? Pouvez-vous croire? Batou Batomboki. Yo Fayulu ba pesio ba bayibio sous le pouvoir. Batouba Tomboki. Voir les chefs d'état-major Luba prendre des décisions pour que Mubuluana Batouba Tomboka na ndenge moko c'est légal Batouba Tomboka. Vous le croyez? Croyez-vous général Kasongo? Asalisa yo Fayulu pour Batouba revendiquer résultat na yo bis baibi. Même dans Ndoto, M. Fayulu, et zoye na yo. Voilà. Pour aussi ça, iner yangwe ningo beta, mon oyo balobi fête de maman. C'est pas une fête de maman. Mes chers amis, ba maman, aujourd'hui c'est pas une fête pour les femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour les droits de la femme. Ça signifie quoi? Dans ce monde, les droits de la femme sont bafoués. La femme n'est pas considérée à égalité avec l'homme. Bah, inégalité, c'est belé. Quand vous allez en Asie du Sud, surtout Asie arabe, vous allez en Afrique, dans certains pays, même au Congo, quand vous allez au Kasaï. Quand vous allez à Bandundu, vous allez voir un vieillard de 70 ans qui se marie avec une fillette de 12 ans. Au Kasaï, il y en a. Na Bandundu, ils allaient. Au Kasaï, vous verrez des hommes qui poussent les femmes à exciser des enfants, de mutiler sexuellement les enfants. Juste pour que na plaisir y a bango mibali Kasaïen. Basi balan a droit à roboyate. Donc, cette journée, c'est une journée en réalité, vous femmes, il fallait bo vanda, bo kanisa. Et si kana vandi nanda konangai, et si kana vandi na société nangai, et si kana vandi na cité nangai, et si kana zali na pays nangai. Po na nini, par exemple, salaire ya basi na mibali zandenge mokote. Po na nini musala moko. Mobali salaire likolonga mwasi salaire na se. Po na nini, mobali soki azo tanga, mwasi azana ndako, azo boko la bana, mobali azo diplôme. Diplôme wana ezo appartenir kaka na mobali. Non. Soki obali mwasi, yo ozali kotanga. Ozo diplôme. Diplôme wana eza yote, diplôme wana eza yo na mwasi na bana. Parce que mwasi a contribué na ba étude na yo. Yako lambela ka yo kende classe. Yako pesa ka yo ba conseil. Yako bongisa ba chemise na yo. Yako bongisa ba papier na yo. Aux yeux diplôme wana, ces diplômes appartiennent à la femme et à l'homme. Ce qui bokabwani, mbongo oyo bandeko zwa ya salaire, ya mwasi il faut ekendaka, même bokabwani. Basi fou bokanisa, et sika nazali, ba droit nini nazana ngote. Pona nini nazana ngote, et réfléchir. Ndenge nini na koyiko sala ane oto bandi. Ko banda lobi le nef. Na ko sala ndenge nini pona revandike ba droit na ngayi oyo. Na ko sala ndenge nini pona arrache. Parce que le droit, ça s'arrache. Le droit d'une personne ne se donne pas. Mes chers amis, femmes, le droit d'une personne ne se donne pas, ça s'arrache. C'est un fruit d'une lutte. C'est un fruit d'un combat. La journée internationale pour les droits de la femme est la journée à la kisaba fesse na bino na TikTok te. Ce n'est pas la journée de montrer vos tétons. Ce n'est pas la journée de faire la chasse au cadeau au longwe kitambo kuna chinza moko azali soki papa miel azakuna na kitambo okeyi mbangu moto kende mbangu ozui cadeau na kitambo au longwe na kitambo okeyi na kisenso kuna papa sugar azali okeko zwa cadeau au longwe kisenso okatisi njili okeko zwa cadeau kuna mushina azali. Non, ce n'est pas ça, mes chers amis femmes. Journal et les amis, il y a fêtité. Journal et les amis, il y a fêtité. Et les journées, bo kanisa, ba droani ni boza nangote, bo revendiqué. Moi, je vais appuyer une femme, lelo, ce qui a yebi ke, mon bali na ye. Azan intention, mon bali na ye, asala kalikambo boye. Oya se pela kanangote ezali journée avant sa mobali na ye ndeko mobali oyebi lelo za journée internationale pona droit ya biso basi. Oui ndeko, pona nini yo sala kaboye ngana se pela kanangote promettre nga lelo ke mbula oto kobanda oko changer oko sala ngote kobanda lobby kobanda kutu lelo oko changer yango. Journée, la fête de la femme, la fête de la femme, bon, mais zingi ma puta. Ba moussous, ba bandiko, la kisaba fesse, na ba TikTok. Ba moussous, ba zo, la kisaba teton, na ba TikTok. Ce n'est pas ça, cette journée. Boze la Saint-Valentin, soyez bon, niko, la kisaba fesse, na binon. Boze la Saint-Valentin, bo la kisaya go. Mais cette journée, c'est pour les droits. C'est pour les droits. Or, c'est une lutte pour arracher ma droit nabino. Ceux qui vous allez au bunda pour na ma droit nabino, ma bunda kana fête té. Ma bunda kana relax ma fesse té. Ma bunda kana relax ma téton té. Ma bunda kana kanda, journal les locaux tu fout au monde basi na kanda. Vous bandi ko détailler ba droit nini yo za na ngote si ko vandi na société na yo, na libala na yo, na copain na yo. Ba droit nino za na ngote. Vous allez voir ma copain Moussousou, il a droit à recevoir téléphone à moi si na ye, à banda ko fouiller, la kisa nan, nana bengio, la kisa, oyo nani, mouto yo nani. Mais moi si azan a droit à recevoir téléphone ya yo copain, Pour Abanda Kotala, pourquoi? Arracher ses droits, mes chers amis, filles. Arracher ses droits. Ce qui y a zobo ya yo ta la téléphone na ye. Yo peko pe se téléphone na yote. Basi wana zolela. Ya tika. Wana moutona to yebani na ye. Aza noko na biso aza la kananin. Aza ndeko ya. Aza kopa ya kamarad nanga. Makofi ya bati ya vaniko beto makofi. Pou a moni message moko na la téléphone. Me yo zo ta la téléphone na yete. Yo so ozo triche. Akani ozo triche. Est-ce que vous vérifiez qu'il y a un autre tricheté? Arracher ses droits. Arracher ses droits. Ce qu'il y a un autre triché, je ne vous demande pas yo pour tricher, mais soit un autre triché. Tu les quittes. Longwa, tu cahier. Et sa journée, il y a fête, tu es maman. Bon, qui n'aille? Pardon. Bon, longwa, ma puta. Ah, dit. Bon, longwa, ma puta. Bolongo la maputa, esa journée a fêté. Bolongo la maputa, silika vandi sa papa vanda. Bana basi nandako, bo vandi sa bana mibali. Pourquoi misala ndako kaka biso bana basi, bino bana mibali te? A partir lelo, tokaboli misala. Lelo, papa, na mwana mobali moko, bako sukola basani. Lobi, mama, na bana mibali mso bako sukola basani. Lobi kuna mwana mwasi na papa bako sukola basani. Bako lamba fufu. Bako kende wenzi. Ngana kenda ako somba biloko. Awi. Mukolobo kuta na mama bana nako yebi sabino. Ngana kenda ako somba mungwa. Papa mungwe zate. Omonika ka basi na biso boba kiltira afriken. Ozo mwona ya zo luka. Azo luke loko. Ii na yeba kiti mzoka ne. Mungwe sila ki mungwe sili mkolo nini. Mais elle travaille, biloko ezo toka na moto. Atika biloko etoka, ezika, akita na se, akenda ki niko somba mungwa pendant que yo za wana ozo ta la télévision. Non, papa, mets-toi debout, nini kuna mungwa, tika na ki niko somba. Ngana ki niko somba mungwa, na ki niko somba pilipili. Eloko ezangi, ah, mafute ezate, ah, vanda na zo kende. Eza mwa musika na demare na kei. Mingi na memagabana na nga ya basi ya bike. Tokei. Na sombi. Je rekone encore un jour un papa la wige batwa kala. Koreyen. Na mwa shop ni ya muke. Na kei penza na zo somba. Piloka mike pilipili ba mungwa. I konese ma femme. Non, elle konese paska za ki mwasi. Webike mkono msu atelimi sa mama abana. Nga pourquoi ozo tinda professeur? Professeur ya kosomba mungu wana ba pilipili. Mama abana yese ya omoni. Ta mama na makano zipitala. Mama na za batwa kala. Soki na ke somba pilipili, na ke somba mungu, na ke somba mafuta. Elongo linda ki professeur? Makamonazana wana mutu pona tangi sabane sili paske na ke somba pilipili. Pona nga moko na lia, pona bana na nga balia, pona mwasi na nga lia. An kwa ezo longo langa valer den professeur? Non, na kenda ako somba. E dayer jem sa. Papa pilipili ezate, zela pantalon, mbangu na kiti, na kena sombi yangoyo. Ah oui. Eko change lo kote, mes chers amis, frères. Moko bon. Moi, ba nini le lobi mobutu, ba gauche, droite, te koyiko zala, mais attention. To sali sakabande kona biso. Bana mi bali nandako. Kibo konzi anini, musala ozana ngote. Kaka ba fiera pamba. Bazo lamba kona, yaka sali sa mama. Situ ba mama o bazala ka bota bana basite. Ah, ba nyo kwa ma. A bota bana basite ka ba mi bali. Bango nyo so ba chef, bazo ta la television. Bangwana na kwen bazolo makamba politique, bakambo ya ba musique, wera, bazolo makambo ya fali, na o msusu wana nani, kofi. Mama zo bunda na ye moko, akende wenze, ayako zonga, akende kwa makala, abanda kwa tuta pondu, akende na machine ya fufu, abanda kwa nika bilamba, asukula bana ya mike, abanda kwa lamba, papa pe bavanda kate situ, ba juru, ba papa bavanda anda, oh vien pe. Pourquoi? Voici les droits, ba femme oyo bo il faut boire arraché et pa ya biso mibali eza ko lata maputa te to kosa kabino bazo kosa bino maputa te maputa te longola liputa vandisa papa vandisa bana mibali ba droit o bozana ngote bo réclamer yango. Vous m'avez compris? Merci beaucoup. Donc ezala ki ndeko na bino mwana meni Congo ngudia kam qui a dit col, qui a invoqué un zadi. Les dragons rouges. Kalamingite. Merci. Bye bye.